Exercice 2, page 34. A. Marie a 1 an. B. Chloé a 2 ans. C. Léa a 3 ans. D. Étienne a 6 ans. E. Patrick a 9 ans. F. Arthur a 10 ans.